père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Marie Nimier et je vais vous raconter l'histoire de Miss Mousse et du petit facteur. Il était une fois un village, une rue, un jardin, une maison avec un toit de tuiles. Et sous ce toit de tuiles, dans cette maison, ce jardin, ce village, habitait Miss Mousse. Miss Mousse est nouvelle dans la région. Elle ne connaît personne encore, c'est pas marrant tous les jours. Miss Mousse, comme son nom l'indique, est faite de mousse. Pas de la mousse à raser, ni de la mousse au chocolat, ni de la mousse à ceci, ni de la mousse à cela, mousse de bière, mousse à matelas, pas de la mousse comme il en pousse sur les pierres. Pas de la mousse carbonique pour éteindre les feux, mais de la mousse de bain. Oh, il est joli le petit bruit de la mousse de bain, on peut l'entendre encore? Je l'adore. On en était où? Ah oui, on parlait de Miss Mousse, seule, toute seule, dans sa nouvelle maison. Un jour qu'elle s'ennuie particulièrement, quelqu'un entre dans le jardin. Il porte une salopette, un sac plein de lettres, mais aussi plein d'outils et dans ses yeux un air gentil. Au village, tout le monde le connaît. On l'appelle facteur mystère, parce qu'on ne sait pas très bien d'où il vient. Ce qu'on sait, c'est qu'il est toujours prêt à rendre service. Il a le cœur sur la main, comme on dit, et beaucoup de compétences. Le voilà donc devant la porte de Miss Mousse. C'est son doigt sur le bois. Personne ne répond. C'est son doigt sur la sonnette. Personne ne répond. Ouh, il y a quelqu'un ? C'est sa voix à la fenêtre. J'arrive, j'arrive ! Répond enfin Miss Mousse un peu essoufflée. Qui est là ? C'est le facteur mystère, facteur mystère, bon à tout faire. À tout faire quoi ? Répond Miss Mousse. Bon, à distribuer le courrier, bien sûr, mais aussi à tondre la pelouse, à tailler les haies, à sculpter les arbres, éplucher les pommes de terre, réparer les jouets cassés, les machines à laver, construire des cabanes, déboucher les sarbacanes et les toilettes et les oreilles, et puis... C'est tout ? Demande Miss Mousse en rigolant. Évidemment, ce n'est pas tout. Facteur mystère, c'est aussi écrire des poésies, faire des tours de magie. Il sait compter, lire, tricoter. Il est très fort pour plein de choses encore. Avez-vous, insiste le jeune homme, besoin de quelque chose ? De quelque chose ? Je ne vois pas. Elle réfléchit 2-3 secondes, puis demande. Vous savez vraiment tout faire ? Oui, enfin, presque tout, dit le facteur. Presque tout, c'est déjà pas mal, répond Miss Mousse. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut me le dire, sinon je m'en vais, je reviendrai quand j'aurai du courrier pour vous. Ne partez pas, facteur mystère. J'ai effectivement besoin de quelque chose. Ah oui ? J'ai besoin d'un copain. Un grand copain, même s'il est petit. Quelqu'un avec qui parler. Et rire, et danser. Vous savez faire ça aussi, facteur mystère ? Bien sûr, répond le jeune homme un peu surpris. Miss Mousse applaudit. Et quand elle applaudit, ça fait... Un peu plus mouillé, si c'est possible, quand elle applaudit. Exactement. Ça fait exactement ce bruit quand Miss Mousse applaudit. Et tutoyer, demande-t-elle. Vous savez faire aussi ? Mais bien sûr. Je peux dire... comment vous appelez-vous, chère madame ? Mais aussi, comment tu t'appelles ? Eh bien, comment tu t'appelles ? Miss Mousse, répond Miss Mousse. Mais si tu préfères, je peux m'appeler Mousse tout court. Ouvre-moi vite, dit le petit facteur. J'ai hâte de voir à quoi tu ressembles. Miss Mousse ne sait pas du tout répondre. À quoi je ressemble, pense-t-elle ? Mais quelle importance ! À quoi ça ressemble de la mousse ? De la neige peut-être, en plus chaud ? Elle réfléchit, puis reprend d'un ton très sérieux. Ah, rien. Je ne ressemble à rien ni à personne. Je suis moi, c'est tout. Moi, c'est déjà pas mal, non ? Disons que, reprend-elle, je ne suis pas brune, pas blonde, pas rousse, pas grosse, pas maigre, pas petite, pas grande, ou alors je suis tout ça à la fois. Si tu préfères, facteur mystère, je suis de quoi j'ai l'air, et puis voilà. Ça te plairait d'avoir une amie comme moi ? Facteur mystère est embarrassé. Brune et blonde et rousse, grosse et maigre, petite et grande, tout ça à la fois. C'est un peu trop, non ? Miss Mousse, fine mouche, devine ses pensées. « Tu trouves que c'est trop ? » dit-elle un peu vexée. « Ah bah toi alors, tu peux parler ?»« Je sais tout faire, du piano, du banjo, des poireaux, des carreaux, des rototos. »« Ah oui, mais moi, c'est vrai, répond le facteur. Ce n'est pas ma faute quand même. Écoute comme je sais bien faire les rototos. » « Ah bah oui, ça on peut pas dire le contraire, t'es super fort en rototo. » Eh bien, tu sais quoi ? Moi, je peux prendre toutes les formes et toutes les couleurs. Tu sais sculpter, peindre, modeler ? À toi de jouer, facteur mystère. » Sur ces mots, la porte s'ouvre, laissant échapper un nuage de mousse. Facteur mystère souffle, tousse, éternue, se mouche puis se met à sculpter la mousse, délicatement, à la tailler un peu à droite, un peu à gauche, un peu en bas, un peu en haut, il sculpte encore, modèle encore, tant et si bien qu'à la fin, ne reste plus du nuage de mousse qu'une petite bulle délicatement posée dans le creux de sa main. La petite bulle est si jolie, parfaitement ronde et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, que Facteur Mystère a tout de suite envie de devenir son ami. Mais quand il s'approche d'elle, la bulle lui claque au nez et ne reste plus dans sa main qu'une petite trace mouillée, une toute petite trace de savon, mais qui sent bon, si bon. La bulle est partie, le rêve s'est évanoui, tout seul, facteur mystère, avec son sac plein d'affaires, tout seul, facteur mystère, avec plus rien à faire. Tout seul, facteur mystère, avec son sac plein d'affaires. Tout seul, facteur mystère, avec plus rien à faire. De tristesse et de colère contre lui-même, le petit facteur ramasse ses outils et les jette à la poubelle. « J'aurais pas dû tailler la mousse, lamente-t-il. J'aurais dû la laisser exactement comme elle était. Blonde et brune, drôle et sérieuse, immense et toute petite. Mais je suis bête, bête, bête !» Il se met à pleurer. De grosses larmes coulent sur ses joues quand une voix qu'il connaît bien parvient à ses oreilles. C'est toi qui pleures, petit facteur ? Tu sais faire ça aussi, pleurer ? Oh ! Mais c'est magnifique ! Allez, sèche tes larmes. Viens danser avec moi. Miss Mousse, c'est toi ? Où es-tu ? Je te vois pas. Regarde en l'air, dit Miss Mousse. Tu me verras. Facteur mystère lève les yeux. Un nuage flotte au-dessus de lui. C'est Miss Mousse tout entière. Miss Mousse recomposée. Miss Mousse, moins une bulle, celle qui a claqué dans sa main. Alors, Miss Mousse roule sur elle-même. Une fois, et une odeur de vanille envahit le village. Deux fois, et la température monte de 10 degrés. Trois fois, et ce sont les oiseaux qui chantent. Alors, facteur mystère écarte les bras et ils s'envolent. Et les voilà qui dansent tous les deux au-dessus du village avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent, légers comme l'air, heureux comme ça. Ils ne sont pas liquides, ils ne sont pas solides, ils ne sont pas gazeux. Ils sont tout ça et ils dansent, tous les deux dansent, tous les deux dansent, tous les deux dansent. Dansent, tous les deux dansent, tous les deux dansent, tous les deux dansent. Lourd et léger, timide et fier, Miss Mousse est facteur mystère, et bien caché au fond du sac, deux, trois secrets et un hamac. Ils ne sont pas liquides, ils ne sont pas solides. Ils sont tous ça et ils sont tous ça et ils. Dansent tous les deux, dansent tous les deux, dansent tous les deux, dansent. Dansent tous les deux, dansent tous les deux, dansent tous les deux, dansent. Savoir tout faire, c'est pas mal mais ce n'est pas tout. Il faut aussi respirer l'air et savoir ne rien faire du tout. Ainsi se termine l'histoire de Miss Mousse et de son facteur mystère. Ou bien alors, c'est maintenant qu'elle commence. Ils ne sont pas liquides, ils ne sont pas solides, ils ne sont pas gazeux. Ils sont tout ça à la fois. Et ils sont amoureux. Et voilà, l'histoire est finie. Alors maintenant, au lit.